à Éléonore, deuxième. Dès que la nuit sur nos demeures planera plus obscurément, dès que sur les reins gémissants le marteau frappera 12 heures, sur les pas du fidèle amour, alors les plaisirs par centaines voleront chez ma souveraine, et les voluptés, tour à tour, défileront devant leur reine. Ils y resteront jusqu'au jour. Et si la matineuse aurore oublioit d'ouvrir au soleil ses larges portes de vermeil, le soir, ils y seront encore.